Donc venez retirer le dossier de demande de logement à l'accueil et il faudra apporter les documents qui concernent votre situation. Vous êtes mariée ? Je suis en couple, mais pas mariée. D'accord. Donc vous apporterez les deux pièces d'identité si vous souhaitez être tous les deux sur la demande. Vous travaillez tous les deux ? Oui, nous travaillons tous les deux.